Ok, I try to sing. Ah mais c'est un français toi. Je vais essayer de chanter un truc. Je vais essayer de chanter un truc. Ok, t'es là. Mais pourquoi je t'entends pas? Ah ouais, je t'ai baissé, pardon. On va recommencer. On va essayer de se faire un truc. Ça va? On va essayer un petit truc, je vais chanter. Je vais essayer de chanter. Par contre, je suis un peu fort. Hein. J'ai pas d'effet. Et on y va. On y va. Je vais essayer de lancer le... Alors, ça marche. J'ai mis un peu trop de pêche. 1, 2, 3, 4... La guitare, c'est Zul. Le chant, c'est moi, Benji. This night is come and the kingdom. I can feel you far away. From the kitchen to the bathroom sink, your step get me away. Don't cut me down from me on. Leave me out to one. As always, man, and dignity and grace. Now I'm slipping from the crack of your cold embrace. Je veux entendre la guitare. Mesdames et messieurs, à la guitare, il s'appelle Zul, il vient de La Réunion. À toi, mon gars. Thank you. Mister Zoul à la guitare. C'est pas la classe, ça. Bravo, monsieur. Bravo. This night.